بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame aujourd'hui, inshallah ta'ala, notre troisième cours dans l'explication de ces chapitres liés aux bonnes mœurs ainsi qu'au liés au bon comportement et aux bonnes mœurs légiférées. On avait commencé à aborder précédemment le sujet du salam, la salutation. Et c'est ce qu'on va terminer et essayer de finir aujourd'hui, inshallah ta'ala. Le premier chapitre. Et donc l'auteur qui nous dit « Wasifatus salam »« Salamun alaykum »« Wasifatul raddi »« Wa alaykumus salam » Donc la description du salam, le fait de dire « Salamun alaykum » Donc la personne elle peut dire « Salamun alaykum » ou assalamu alaykum, et la réponse wa alaykumus salam. Wa ziyadatul ma'mur biha mustahabba wa rahmatullahi wa barakatuhu wa la yustahabbu ziyadatu ala zalik. Et certes, le rajout qui a été recommandé de manière surérogatoire, et donc qui n'est pas obligatoire, est le fait de dire « Wa rahmatullahi wa barakatuh ». Donc si quelqu'un te dit « Assalamu alaikum », tu réponds « Wa alaikumus salam » et il va être recommandé, non obligatoire, de rajouter, de dire plus en disant « Wa rahmatullahi wa barakatuh ». Ceci en nous basant sur la parole d'Allah Azza wa Jal « Wa idha huyitum bitahiyatin » فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Et lorsqu'on vous salue, alors répondez à cette salutation par une meilleure, ou alors rendez tout simplement la même salutation. Et donc soit tu réponds à la personne en disant « Wa alaykumus salam » ou alors tu donnes une meilleure salutation « Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ». Voilà, yustahabu ziyadatu ala zalik. Mais par contre, il n'est pas permis, il n'est pas légiféré, excusez-moi, de rajouter quoi que ce soit de plus que cela. Tu ne vas pas dire quoi que ce soit de plus que wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici, barakallahu fikum, il y a une divergence entre les gens de science concernant le fait de dire wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Et donc de rajouter le terme wa maghfiratuhu. En réalité, il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique qu'il ait rajouté quoi que ce soit de plus après avoir dit wa barakatuhu. Cependant, il a été rapporté de manière authentique qu'Ibn Omar radiallahu anhuma, que du moins que un homme a dit wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu. L'homme a rajouté el maghfira, donc le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors là, Ibn Omar lui a fait le reproche. Et même chose aussi concernant Ibn Abbas. Le fait que Ibn Abbas a rejeté le fait de dire wa maghfiratuhu. Cependant, on va avoir d'autres compagnons qui, eux, ont approuvé cela. Et donc on a une divergence chez les compagnons. Et l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, est le fait de se suffire du terme rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykumus salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Puisque c'est ça qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continue l'auteur rahimahullah. Il nous dit ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردوها. Et donc il est recommandé au premier, ici l'auteur il nous parle de la première personne qui passe le salam. Il est recommandé pour cette première personne qui passe le salam qu'il laisse le dernier rajout à l'autre, afin que l'autre puisse faire le rajout. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire à la personne dès le début « Assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuhu, mon frère ». Mais tu lui laisses à lui l'occasion de venir avec la salutation complète. Parce que c'est lui, Allah Azza wa Jal, qui dit « Wa idha huyitum ». Et donc si on vous salue, alors répondez avec une meilleure salutation. Et donc toi, tu dois lui permettre déjà de donner une meilleure salutation ou alors de te répondre avec la même. Et donc tu ne vas pas dire « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu » mais tu vas dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah » et tu vas lui laisser lui l'occasion de dire « Wa barakatuhu » et en réalité il n'y a pas de preuve concernant cela. Mais ce qui est recommandé et ce qui est mieux, c'est le fait que le premier, dès le début, il fasse la salutation la plus complète. C'est celle qui a le plus de récompenses. Et ensuite, l'autre, il peut répondre en donnant la même salutation complète aussi. Ensuite, l'auteur qui dit, rahimahullah, « وَإِذَا سَلَّمَ » ثم حال بينه وبين من سلم عليه حج شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. Et donc ici l'auteur qui nous dit, lorsque l'individu passe le salam à son ami ou à quelqu'un et qu'ensuite il y a un arbre ou un mur qui va donc ils vont passer tous les deux, chacun d'entre eux des deux côtés d'un arbre ou d'un mur. Et donc ce mur ou cet arbre va les séparer. Et ensuite ils se rencontrent. À ce moment-là, la sunna du salam revient encore. On est ensemble, on marche, je t'ai passé le salam, on avance. Et ensuite, il y a un arbre sur notre trajet. Alors, toi, tu vas à la droite de l'arbre, moi à la gauche de l'arbre. Et ensuite, on se revoit. On se repasse le salam. De manière recommandée et pas obligatoire. Et donc, ça, c'est... Donc, il est recommandé de le faire. Et ceci en se basant sur un hadith qui est dans Sunan Abi Daoud. Dans Sunan Abi Daoud, Barakallahu Fikoum, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ فَلَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: lorsque l'un d'entre vous passe le salam à son frère, lorsque l'un d'entre vous rencontre son frère, alors qu'il lui passe le salam, puis s'il y a un arbre, un mur ou une pierre qui les sépare et qu'il le rencontre après cela encore, alors qu'il lui passe encore le salam. Hadith donc dans le Sunan d'Abi Daoud qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et c'est un hadith qu'on avait déjà vu précédemment lorsqu'on lisait Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari. Et ensuite l'auteur qui dit: ويكره السلام على شواب النساء فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن وعساه يجلب الفتنة وكم من صوت جر هوى وعشقا ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن. طيب. Ici l'auteur il nous dit, et il est détestable, donc de passer le salam aux jeunes femmes. Il est détestable de passer le salam aux jeunes femmes. Il faut savoir déjà, barakallahu fikoum, que la majorité des ulama, ils voient que cela n'est pas légiféré. Ils voient que cela n'est pas légiféré à cause du fait que cela peut entraîner une fitna. Ils voient donc que même si cette femme, elle passe le salam, certains voient que non, on ne répond pas au salam. Pourquoi ? Pour éviter cette fitna entre l'homme et la femme. Par contre, si cela se fait en présence des maharim, alors là, ils ne voient pas d'interdiction. Ils ne voient pas donc d'interdiction. Et donc voilà ce qui a été cité concernant certains ulama. Et d'autres voient qu'il n'y a pas de mal, justement, lorsque la femme, elle passe le salam, et ça reste toujours une obligation de répondre au salam. On va avoir une exagération parfois chez certains, lorsqu'ils vont être, par exemple, avec leurs épouses. Le fkar, il est avec son épouse, et subhanallah, lorsqu'il est avec son épouse, on aurait dit que c'est lui qui ne peut pas passer le salam à ses frères. Ses frères, ils lui passent le salam, il ne répond pas, mais c'est à toi qu'on a passé le salam, c'est pas à ton épouse. Ou tu vois tes frères, tu peux passer le salam à tes frères, sous prétexte que tu es avec ton épouse, tu ne peux pas passer le salam à tes frères. Et tout cela, barakallahu fikoum, il faut une preuve, il faut des preuves. Il faut des preuves, sinon on reste sur la base qui est que le salam reste recommandé entre les croyants. Il nous dit l'auteur donc que il va être détestable de passer le salam aux jeunes femmes. Pourquoi ? Parce que cela va entraîner la réponse de ces jeunes femmes. Et le fait qu'on entende leur voix, et il se peut que cette voix-là entraîne une fitna. Parce que l'être humain, il admet sa faiblesse. L'être humain, il est important qu'il admette sa faiblesse. Et qu'il ne se mette pas dans une situation difficile. Il nous dit l'auteur, et combien de voix, parfois, vont être la cause, vont entraîner de la passion ou un amour interdit. Et d'ailleurs, vous constatez que dans la législation, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala préserve le cœur des croyants. Parce que cette voix, elle peut rester dans le cœur de l'individu et ensuite causer une fitna dans son cœur. C'est pour cela qu'on ne va pas voir les femmes faire le ezen. La femme, elle ne va pas faire le ezen à la mosquée. Elle ne va pas réciter à haute voix si l'imam fait une erreur, qu'il se trompe. Elle ne va pas réciter à haute voix pour corriger l'imam. Mais elle va taper sur les mains. Parce que les hommes sont faibles. Parce que nous, les hommes, nous sommes faibles et nous devons admettre notre faiblesse. Et ne pas faire comme si nous ne ressentons rien. Non, alhamdoulilah, tout va bien. Je vois pas pourquoi vous me parlez de fitna. Et ensuite, en général, ceux qui disent cela après, c'est donc, subhanallah, on entend des choses terribles par la suite. Et donc, plutôt que de te mettre dans cette situation où on risque d'entendre des choses terribles par la suite, préserve-toi dès le début. Préserve-toi dès le début. Puisque tu sais que tu es faible. Ne me dis pas que tu n'es pas faible. Tu es faible. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. L'être humain a été créé faible. Ne me dis pas que tu es fort. Allah, il le dit, l'être humain est écrit et faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je n'ai laissé une fitna plus dure pour la communauté que la fitna des femmes. Ne me dis pas, non, ça ne me fait rien du tout. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, que chacun d'entre nous fasse des causes pour se préserver. Il nous dit l'auteur, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à passer le salam aux femmes âgées. Ainsi que les femmes al-barizat. Al-barizat, ce sont des femmes qui vont donc sortir et accomplir des tâches. Parfois, elles vont devoir discuter avec des hommes, etc., etc., par rapport au travail qu'elles font. Et donc, il dit, ces femmes-là, il n'y a pas de mal à leur passer le salam. Concernant la femme âgée, Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fitna par rapport à sa voix. Et concernant la femme, elle Berizat, celle dont cette femme qui va sortir et qui va devoir faire beaucoup de tâches toute seule, comme on parle du cas de la femme qui va être célibataire. La femme qui va être célibataire, qui va devoir aller faire ses courses, qui va devoir aller faire ci, aller faire ça, etc. Elle va devoir faire plusieurs tâches toute seule, et elle va devoir passer le salam à des hommes parfois. Et donc cette femme-là, les savants, ils nous disent, il n'y a pas de mal par rapport aux besoins. Puisqu'on va discuter avec elle par rapport à certaines choses. Toi, tu es vendeur, elle vient dans ton magasin pour acheter un téléphone. Tu vas pas dire non, je lui parle pas. Elle vient pour acheter un téléphone. Elle te dit, quel téléphone vous avez? Allez, tu lèves la tête en l'air, tu la regardes pas. Non, tu vas répondre. Et donc, ce que tu fais, donc déjà, vu que tu veux lui parler pour ton téléphone, et donc il n'y a pas non plus de mal à ce que tu lui répondes à son salam ou à ce que tu lui passes le salam. Et donc il nous dit le cheikh, donc concernant cette femme qui va devoir s'adresser à des hommes, c'est par rapport aux besoins. Par rapport aux besoins. Et ensuite, il nous cite un exemple. Il nous cite un exemple après cela. Il nous cite l'exemple de cette femme qui va aller voir donc un homme chez qui on laisse des dépôts, des gages ou autres. Parfois, avant, les femmes, elles laissaient leurs bijoux chez des hommes de confiance. Et donc, elle va laisser ses bijoux chez cet homme de confiance. Et cet homme, les savants, ils disent, il va être permis à cet homme de regarder le visage de la femme. Il va être permis à cet homme de regarder le visage. Parce qu'après, c'est lui qui va témoigner. Il va témoigner qu'une telle, effectivement, elle est venue chez lui pour lui donner tel et tel bijou. S'il n'a pas vu le visage de cette femme, comment il va faire pour témoigner? Il va dire, une femme est venue avec un sitar, elle m'a donné un bijou, et elle dit que c'est elle, mais moi je ne peux pas confirmer que c'est elle. Je sais pas moi, je sais pas. Je sais qu'une femme est venue me donner. Et donc il est important, donc là les savants ils vont dire, par rapport à cette situation, il va être permis à cet homme de regarder son visage, afin de pouvoir témoigner par la suite. Et donc le cheikh il nous dit, le salam c'est beaucoup moins grave que cela. Et donc par rapport à la nécessité, il n'y a pas donc de mal à ce que l'homme passe le salam à cette femme qui va parfois être amenée à travailler, à discuter. Donc, avec les hommes. Il nous dit donc, وَكَذَلِكَ الصَّائِعُ وَالْمُغَازَلِي وَكُلُّ مَنْ تُعَامِلُهُ النِّسَاءُ مِنْ أَرْبَابِ التَّجَائِرِ وَالصَّنَائِعِ. Et donc, tous ceux qui vont avoir des contacts avec les femmes, parmi ceux qui font du commerce, ou les gens qui ont donc des sociétés de fabrication ou autres, ou parfois les femmes vont venir pour poser des questions, pour acheter des produits, etc., etc. Tout cela, il n'y a pas de mal. Et donc, on revient à quoi? Barakallahu fikoum, on revient à la nécessité. Tout simplement. Quand il y a une nécessité, eh bien oui, s'il n'y a pas de nécessité, tu marches dans la rue, la femme, elle marche dans la rue, il n'y a pas de nécessité à passer le salam. Il n'y a pas de nécessité à passer le salam. C'est le facteur. Le facteur, il vient chez toi. Il vient chez une sœur, il toque à la porte, vous avez un recommandé. Il toque à la porte, lorsqu'il toque à la porte, vous avez un recommandé, la femme, elle dit, ok, d'accord, je viens signer. Elle va, elle met son voile, elle sort, c'est une femme voilée. Et lui, c'est un musulman, il voit que c'est une femme voilée, il dit, salam alaykoum, voilà votre lettre. Tout simplement. Non, non, on va pas passer le salam sous prétexte que... Non, non, là... Tu vas devoir faire un échange avec elle. Elle va devoir peut-être même te montrer la pièce d'identité, que c'est bien elle sur les papiers, etc., etc., etc., etc. On va dire non, tu passes pas le salam. Et donc, lorsqu'il y a une nécessité, oui, il y a une nécessité. Quand il n'y a pas de nécessité, elle est, tu es dans la rue, elle est dans la rue, là on va te dire, il n'y a pas besoin de passer le salam. Pourquoi tu passes le salam? Quoi, vous allez avoir une discussion par la suite, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et donc, c'est lorsqu'il y a une nécessité. Ensuite, le cheikh, il commence à aborder le sujet des enfants. Voilà, ba'sa bis salam ala sibyan ta'liman lahum lil adab wa tahbiban li husn al khuluq wa tadriban ala husn al mu'ashara. Et donc, il n'y a pas de mal à passer le salam aux enfants. Et ceci pour leur enseigner le bon comportement. Et pour leur faire aimer les bonnes mœurs. Et pour les entraîner, pour les habituer à avoir un bon mode de vie. Et donc oui, Nous sommes responsables de l'éducation des enfants. Et donc nous devons leur enseigner déjà dès le début les bonnes mœurs. Le fait de passer le salam aux adultes. Le fait de saluer les plus grands. C'est important ça. C'est important. On ne laisse pas les enfants rentrer comme ça sans saluer. Non, il faut enseigner aux enfants parce que salam, c'est bien, c'est important. Tu vas prendre, tu as des récompenses. C'est une bonne salutation. Alhamdulillah. Et donc c'est important tout ça. Barakallahu fikoum. Wa yustahabu salamu inda al-insiraf kama yustahabu inda al-dukhul wa al-dukhul ashaddu istihbaban. Et donc il est recommandé de passer le salam lorsqu'on part, de la même manière qu'il est recommandé de passer le salam lorsqu'on rentre. Et certes, il est encore plus recommandé de le faire au moment de l'entrée. Donc tout simplement, barakallahu fikoum, comme on avait déjà vu précédemment, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم وإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsque l'un d'entre vous il arrive à une assise, alors qu'il passe le salam, et lorsqu'il part, alors qu'il passe le salam. Et donc ici, barakallahu fikoum, on revoit encore donc les bonnes mœurs, le bon comportement à avoir, en sachant qu'il va être, il va plus recommander de passer le salam au moment de lorsqu'on rentre, barakallahu fikoum. Mais il fait partie des bonnes mœurs de passer le salam aussi lorsqu'on part, au moment du départ. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et la semaine prochaine on va continuer sur. Donc on va commencer le deuxième chapitre. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.